Je sais pas, avec Netflix, ils proposent quand même. Oui. Pour citer Netflix par exemple, ils font des séries super. Oui, et puis même Netflix ou ça, sans compter ce qu'ils font eux-mêmes, tu peux découvrir des trucs d'autres pays qui seraient jamais Oui, sortis en France autrement. Il y a des films espagnols. Parce qu'on parle du fait que ça ait Allemands, des remplacé séries nanani allemandes. nanana. Ouais, mais ouais. ça a ajouté aussi du contenu. Tu peux accéder à des trucs chinois que jamais un producteur aurait voulu sortir en DVD en France parce que ça coûte trop cher, etc. Enfin, un producteur, Ouais, ou ouais, si alors c'est parce les que c'est moins producteurs. connu. Avec Netflix, après, ça permet aussi de faire connaître le film. Voilà, c'est ça, il y a des trucs de ouf. Non, Tu mais peux connaître des réalisateurs, c'est une dinguerie. Bon, après, il y en des a, acteurs aussi. je sais pas ce qu'ils font. Scorsese, là, qui sort sur Netflix, je sais pas pourquoi il a fait ça. Bah, Je sais pas si c'est bien ou mal, ça, par contre. parce Ça, je sais que pas si c'est bien ou mal. aujourd'hui, tu peux pas dire je vais au cinéma voir un film pendant 3 heures, à part pour des très grosses productions style bon Avengers, mais les films de Ouais. Scorsese c'est très particulier parce que Ouais, c'est très ça lent. marchait pas au cinéma. Si, à l'époque, mais à l'époque, parce que c'était différent. Aujourd'hui, maintenant, les films, c'est plus bourrin, c'est plus dans l'action. Enfin, je trouve, pour la plupart des films, c'est Non, vraiment c'est plus évident. accéléré, c'est plus rythmé, c'est plus dynamique. Et là, les films de Scorsese, c'est un peu plus lent, voilà, c'est un peu plus, on va pas dire posé, mais voilà, c'est une ambiance beaucoup plus lente. Et il n'y a pas vraiment, y a pas beaucoup d'action. C'est pas tourné sur l'action, mais tourné un peu sur l'histoire, sur le. Voilà, sur ce qui était la vie dans les années 70, la vie de mafia, enfin de mafieux, les gangs, tout ça. Et le problème, c'est que voilà, ça dure 3 heures, c'est comme Le Parrain. Le Parrain, ça dure 3 heures. Ouais, mais moi je Et pense qu'ils auraient pareil. pu bien évidemment le mettre sur une plateforme Oui, mais je après. pense que Ouais, ça mais aurait moins après. marché au Ah, mais cinéma. tu le sors après sur les plateformes. De toute façon, tout finit par finir par les. Oula, oula, oula, oula, ouais, oh Matisse, oh, reprends-toi. Tout finit sur les plateformes à un moment ou à un autre. Pas forcément. Bah si. Tu trouves tout sur un de tous les films qui ont été au cinéma, tu les retrouves sur une plateforme. J'ai pas dit laquelle, ça peut arriver n'importe où. Streaming, légal, illégal, tu trouves tout. Tout finit par arriver sur une plateforme. Donc le film, tu le sors au cinéma. Oui, mais Il marche pas. après, c'est peut-être une Voilà, et histoire après tu finis par d'accord. le mettre sur une C'est plateforme. peut-être une histoire d'accord qu'il y a eu avec Netflix Ouais, mais aussi. bien sûr, c'est une production Netflix, je crois, donc Oui, forcément, si c'est un ceux qui l'ont financé, ils veulent que ça soit film chez eux direct. Netflix. Oui, mais voilà. Mais après, je trouve que c'est pas plus mal en soi parce que ça Oui, permet ça finance des de trucs. faire connaître beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui connaissent Scorsese, je suis désolé, mais Oui, il y en a beaucoup moins dans notre qu'avant. génération, on Oui, parle. la nouvelle génération, c'est. S'il n'y en a pas des masses. Il y en a, Mais bien ça marche pour sûr, tout, mais il n'y hein. en a pas Même des la musique, masses. la dernière fois, je parlais La de. musique. Comment il s'appelle, l'autre qui chante sous l'océan, là? Henri Salvador, je Henri parlais avec Salvador. une amie de Henri Salvador, elle connaissait pas, frère, elle connaissait pas. C'est la petite La sève. jeunesse, je te jure. Non, mais voilà. Négatif, le Après, retour. Netflix, ça permet de faire connaître des films, des séries, des Voilà. acteurs, des réalisateurs. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve que Bon. ça fait partie des bons côtés. On va me mettre en commentaire, oui, t'as parlé de films, mais la culture, c'est pas que le film. Bien La sûr, tu mets la musique. musique, les films, les pièces de théâtre, qui sont maintenant jouées par des tas de petites troupes partout. T'es pas, parce que là, on parle d'Internet, mais ça parle aussi, tu peux aller dans des théâtres, etc. J'ai mon beau-père, moi-même, fait des pièces que je suis sûr que personne n'aurait jamais jouées si c'était que des groupes restreints. Aujourd'hui, n'importe qui fait du théâtre. Tu peux faire du théâtre professionnellement, tu peux faire du théâtre amateurment. Je sais pas si on dit comme ça, mais tu m'as compris. Et. Mais pas que, si, comment ça s'appelle, là où il y a le lac des Cygnes, c'est quoi, c'est un. L'opéra? L'opéra, voilà. L'opéra, même l'opéra, tu peux aller le voir au L'opéra, cinéma maintenant, c'est de la l'opéra, donc ça coûte culture. beaucoup moins cher que parce que l'opéra. C'est pas donné, c'est pas Ah, donné. l'opéra, c'est pas offert par la Non, maison, non, non, donc. c'est pas donné. Mais voilà, du coup, ça permet, par le biais du cinéma, de se cultiver en regardant de l'opéra. Mais bien Ça fait évidemment. partie de la culture. Et puis voilà, pas que l'opéra, ouais, les Mais pièces de tout théâtre, ce la qui est culture, tout ce qui est musique. culture, télévisuellement, Cinématographiquement, cinématographiquement. ça c'est dur, hein. Ah. C'est dur, hein. Tu respires après avoir dit ce mot. Tu reprends. Ouf, ça te soulage. Anticonstitutionnellement. Ouh, bon, bref, Et on s'égare. tous les arts, peu importe lequel, Oui. même la peinture, les musées, etc., tous les dimanches, Moi, c'est franchement, gratuit. N'importe qui veut aller. Non, tous les dimanches du pro. non, Tous les premiers dimanches du mois, pardon, voilà, tous les premiers c'est dimanches du mois. gratuit. N'importe qui Et puis, moi, peut accéder à la culture facilement aujourd'hui. ce que je trouve dingue, En voilà, France, en Europe, bien ouais, évidemment, voilà. hein, Ce que toujours. je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, on a un accès très très facile à la culture. Et franchement, ça, c'est Mais super bien parce que évidemment. la culture, c'est vraiment un moyen Bah, la de culture, c'est un moyen de se s'identifier. cultiver, hein. Bah, oui, logiquement. Mais c'est surtout un moyen de s'identifier par rapport à des œuvres, par rapport à Mais des oui. films, des musiques, de créer sa personnalité quelque part. Parce que c'est grâce à la culture que ça a une incidence sur ta personnalité. Bah, bien évidemment. Et moi, je trouve ça dingue que, voilà, aujourd'hui, ça soit extrêmement facile d'avoir accès à la culture, je trouve ça C'est fou. excellent, c'est Ah excellent. ouais. Mais bien évidemment, c'est excellent. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Sûr et certain, mais Pourvu que ça dure, quoi. ah bah pourvu que ça Pourvu dure, que ça pourvu que dure. ça dure. Allez Patrick, c'est pour toi. Vive Patrick!

Que les bah téléphones oui. remplacent l'appareil photo. Oui, mais ça veut dire que Bah avant il fallait payer. les constructeurs Nikon, Canon. C'est pareil que pour les vendeurs de DVD. C'est-à-dire que il y a peut-être des métiers qui se perdent, etc. Et encore non, parce que ceux qui fabriquent tout ça, ils finiront par faire des téléphones, si tout le monde fait des téléphones. Donc ils changeront de domaine. Non, mais c'est pas si facile, peut-être. Mais où ils font des partenariats avec les autres pour leur faire des caméras pour leur téléphone, je sais pas. Enfin, il y a une solution, ça c'est sûr. Mais ce qui est positif là-dedans, c'est qu'avant, pour payer un appareil photo, c'est combien ça coûtait les vrais appareils photo de qualité qui font des photos comme mon Oui, téléphone? c'est à plusieurs milliers d'euros. Mais c'était une blinde. Les GH5, toutes ces conneries que les youtubeurs ils ont, ça coûte une blindasse. Bah, Une on blindasse, c'est avait vu. 1500, je crois. Il Non, coûtait. même plus, 2000. Ouais, il y en avait un 2500, là, le 2000, G9, là, 2500. je sais pas quoi. Enfin, des Ouais. trucs de malade qui coûtent une blinde pour faire des photos de fou. Alors que le mettre sur ton téléphone, vu que tout le monde a un téléphone aujourd'hui, hein, c'est un peu comme Internet, ça facilite l'accès à cette technologie à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut faire de la photo de qualité aujourd'hui, beaucoup plus facilement en tout cas, qu'avant, c'était beaucoup plus cher. Voilà. Ouais, mais C'est la conclusion de vidéo photo. ça, conclusion de vidéo photo. Passons au Ou de la vidéo, bonus. regardez, Matisse, il fait des vidéos sur YouTube. Au début, il a commencé avec, bon, c'était pas celui-là, mais presque pareil. Celui d'avant, XR. le XR, ouais. Vidéo de déballage du Et XR donc, aussi. n'importe qui, comme moi par exemple, peut faire des vidéos sur YouTube. C'est en fait Là, ça suffit. mêle un peu tout. Ça mêle vidéo, technologie, Internet. C'est Matisse. C'est la conclusion. Je suis positif. Mais si tu pètes un Non, câble. mais par contre, le seul souci avec les téléphones portables, c'est qu'il y a besoin de pas mal de lumière pour avoir des Oui, photos de bah ça on bonne l'a dit. qualité. Ouais. Mais c'est Pour ça le le moment. problème. Mais maintenant, il commence à avoir des modes nuit, etc. Bon, c'est pas performant à 100%. On sent que c'est un peu trafiqué. Mais ça arrive. Moi, je vous le dis. La technologie, vu à la vitesse à laquelle elle augmente. Non. La technologie, vu à la vitesse à laquelle elle s'améliore. C'est mieux. C'est mieux C'est. formulé. Oui. Franchement, d'ici peu, on fera des photos même de nuit, même focalisation, machin, nanana, propre, net. C'est vrai. On termine, voilà, c'était la conclusion un peu, mais maintenant on peut terminer par des petits ajouts personnels, Des petits les petits bonus, plaisirs des du petits plaisirs de quotidien. la vie. Allez, c'est parti, fais péter la bouteille. Sans le pierre. Non, là, si on peut dire, voilà, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie, Valentin? Est-ce que ça peut rejoindre le sujet qu'on a étudié? Oui. Bah, le cinéma, Ah, le cinéma, clairement. Le c'est excellent. cinéma, je trouve que c'est vraiment un moyen De de moyenner. sortir du quotidien. De quoi? De moyenner. Non. Un moyen de moyenner. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais je rigole. Je crois que j'avais dit ça. Non, je dis que c'est vraiment un moyen de sortir de la vie Ah oui, bien et évidemment. de Ah s'échapper ouais, du mais tu mets. quotidien. Vraiment, moi en tout cas, pour mon cas personnel, sûrement le tien aussi, quand je regarde un film qui me passionne, Matisse, il est plus là. Je vis le film, Ouais. je te jure, c'est excellent. Mais c'est Là, super. à couteau tiré, Ah, on a je vu à tiens à couteau applaudir ce tiré. film. Hein. Je tiens à applaudir ce film quand même. C'est Il est pas le, ce sera excellentissime. pas le film qui décrochera un Oscar, mais Ah non. honnêtement, c'est bien Ils vont en faire réalisé. un 2. Ils vont en faire un 2. Comment tu sais? Bah j'ai vu, je C'est peux vrai? confirmer mon information, attends. Ah, bah ça, c'est bien. Non, parce que à couteau tiré, C'est très inspiré d'Hercule Poirot pour les plus vieux. Ou d'Agatha Christie. Enfin, Ouais, des contes bah des d'Agatha enquêtes quoi, Christie. des enquêtes. Des enquêtes à l'anglaise, en gros. Mais avec un casting, quand même, qui est vraiment pas mal. Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis. Et franchement, c'est. Non, en fait, ce qui est bien, c'est que ça change de l'ordinaire. Enfin, ça change des films qu'on peut Non, le voir en ce réalisateur est moment. partant pour en faire un 2, c'est pas encore confirmé. Bah voilà, après voilà, c'est une idée. Mais en tout cas, allez, le premier, rien que le premier, Ah si vous voyez le premier, mais c'est déjà regardez-le. pas mal. Malheureusement, nous on n'avait pas beaucoup de séances à Grenoble. Enfin, sur la fin, c'était un peu compliqué. Au Bah, le début, je sais problème, pas, mais on y allait très tard, c'est vrai. le problème c'est qu'il est sorti le 12 novembre, le Oui, 11 ou 12 on y novembre. allait fin décembre, Ouais, nous. voilà, donc forcément. Là, je pense s'il doit être encore au cinéma à Ah, peut-être, Échirolles, ouais, mais il doit avoir des il y a séances version la nuit. originale et il y a version. C'est que le soir, je crois. Mais enfin, là, on parle C'est pour le Grenoble, soir, mais nous, on pour le est. Grenoble, ouais. Ça. Nous, on n'est pas. Vous n'êtes pas forcément à Grenoble, hein, donc. Si vous êtes à Paris, tranquille, vous trouvez forcément un Il y a cinéma. des cinémas Mais toutes les même à deux secondes. Grenoble, hein, on parle de pâté et tout ça, mais vous pouvez aller dans les autres, je suis sûr qu'il est À la Nef, par à la exemple, il y nef. en Oui, a bah. en VOST. Non mais frère, on cite des exemples, les gens ils savent même pas ce que c'est. Bah, s'ils S'ils sont sont. Oui, grenoblois, on est s'ils peut-être sont trois sur tous grenoblois. ceux qui vont m'écouter qui seront grenoblois, des fois on sait pas. Non, mes amis, peut-être ma famille, je sais pas. En tout cas, au pâté Grenoble, Coucou il y en a. Tu papa, sais, coucou si maman. ça passe encore au ciné, Ah à bah couteau oui, mais tiré. allez-y, franchement, c'est notre conseil du jour, à couteau tiré. Très très très bon film. Bon, moi si je vais dire quelque chose qui vraiment me fait kiffer, vraiment, j'adore. Des vidéos YouTube! J'adore faire des vidéos YouTube, ça c'est vraiment un point positif pour moi. Et sinon, les séries, j'adore les séries, le cinéma aussi, bien évidemment. Hein. Mais j'aime bien manger du chocolat aussi. Bon, après, j'ai mal au ventre, mais ça c'est d'autres problèmes personnels. Ça rejoint ma chanson que je sors prochainement. Moi j'aime bien la bière si vous voulez savoir.